Chapitre 10. Je vous le déclare. En vérité, celui qui n'entre pas par la porte dans l'enclos des brebis, mais qui passe par-dessus le mur à un autre endroit, celui-là est un voleur et un brigand. Mais celui qui entre par la porte est le berger des brebis. Le gardien lui ouvre la porte et les brebis écoutent sa voix. Il appelle ses brebis chacune par son nom et les mène dehors. Quand il les a toutes fait sortir, il marche devant elles et les brebis le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. Mais elles ne suivront pas un inconnu, au contraire, elles fuiront loin de lui parce qu'elles ne connaissent pas sa voix. Jésus leur dit cette parabole, mais ils ne comprirent pas de quoi il leur parlait. Il leur dit encore, « Je vous le déclare, en vérité, je suis la porte de l'enclos des brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands, mais les brebis ne les ont pas écoutés. Je suis la porte. Celui qui entre par moi sera sauvé. Il pourra entrer et sortir, et il trouvera sa nourriture. Le voleur vient uniquement pour voler, tuer et détruire. Moi, je suis venu pour que les hommes aient la vie et l'aient en abondance. Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. L'homme qui ne travaille que pour de l'argent, qui n'est pas le berger et à qui les brebis n'appartiennent pas, les abandonne et s'enfuit quand il voit venir le loup, de sorte que le loup s'empare des brebis et les disperse. Il s'enfuit parce qu'il ne travaille que pour de l'argent et ne se soucie pas des brebis. Je suis le bon berger. De même que le Père me connaît et que je connais le Père, de même je connais mes brebis et mes brebis me connaissent. Et je donne ma vie pour elles. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas dans cet enclos. Je dois aussi les conduire. Elles écouteront ma voix et il y aura un seul troupeau avec un seul berger. Le Père m'aime parce que je donne ma vie afin de la recevoir à nouveau. Personne ne me prend la vie, mais je la donne de ma propre volonté. J'ai le pouvoir de la donner et j'ai le pouvoir de la recevoir à nouveau. C'est là ce que mon Père m'a ordonné de faire. Les Juifs furent de nouveau divisés à cause de ces paroles. Beaucoup d'entre eux disaient, « Il a en lui un esprit mauvais. Il est fou. Pourquoi l'écoutez-vous ? » D'autres disaient, « Un homme ayant un esprit mauvais ne parlerait pas ainsi. Un esprit mauvais peut-il ouvrir les yeux des aveugles ?» C'était l'hiver, et l'on célébrait à Jérusalem la fête de la dédicace. Jésus allait et venait dans la galerie à colonnes de Salomon, dans le temple. Les Juifs se rassemblèrent alors autour de lui et lui dirent, « Jusqu'à quand vas-tu nous maintenir dans le doute ? Si tu es le Messie, dis-le nous clairement. » « Je vous l'ai déjà dit, leur répliqua Jésus, mais vous ne me croyez pas. Les œuvres que je fais avec l'autorité de mon Père parlent en ma faveur. Mais vous ne croyez pas parce que vous ne faites pas partie de mes brebis. Mes brebis écoutent ma voix. Je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle. Elles ne mourront jamais et personne ne les arrachera de ma main. Ce que mon Père m'a donné est plus grand que tout, et personne ne peut rien arracher de la main du Père. Le Père et moi, nous sommes un. » Les Juifs ramassèrent de nouveau des pierres pour les lui jeter. Jésus leur dit alors, « J'ai fait devant vous beaucoup d'œuvres bonnes par le pouvoir du Père. Pour laquelle de ces œuvres voulez-vous me tuer à coups de pierre ?» Les Juifs lui répondirent, « Nous ne voulons pas te tuer à coups de pierre pour une œuvre bonne, mais parce que tu parles contre Dieu. Tu n'es qu'un homme et tu veux te faire Dieu. » Jésus reprit, « Il est écrit dans votre loi que Dieu a dit, « Vous êtes des dieux. » Nous savons qu'on ne peut pas supprimer ce qu'affirme l'Écriture. Dieu a appelé Dieu ceux à qui s'adressait sa parole. Et moi, Dieu m'a choisi et envoyé dans le monde. Comment donc pouvez-vous dire que je parle contre Dieu parce que j'ai déclaré que je suis le Fils de Dieu? Si je ne fais pas les œuvres de mon Père, ne me croyez pas. Mais si je l'ai fait, quand même vous ne me croiriez pas, croyez au moins à mes œuvres afin que vous sachiez une fois pour toutes que le Père est en moi et que je suis dans le Père. » Ils cherchèrent une fois de plus à l'arrêter, mais il leur échappa. Jésus s'en alla de nouveau de l'autre côté de la rivière du Jourdain, à l'endroit où Jean avait baptisé précédemment, et il y resta. Beaucoup de gens vinrent à lui. Ils disaient, « Jean n'a fait aucun miracle, mais tout ce qu'il a dit de cet homme était vrai. » Et là, beaucoup crurent en